je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Sauver. Voici. comprendrai.